L'équipe qui aura répondu au plus grand nombre de questions marquera le point. Et si on passe, on passe à la question suivante. Suivante. D'accord. En une minute, temps, quoi, bien sûr. Alors, on va commencer pour que Xavier Metzger puisse voir ce que ça donne. Avec l'équipe... Tiens, j'ai perdu... Ah, mais l'équipe de Pierre Berger. Ah, oui. Tu comptes une heure, hein, quand même. Là. Non, une minute. Une minute. Composée de Bob Duclub et Maurice. C'est pas la peine de dire qui c'est. Hein. Alors, trois questionnaires possibles. Bob, à choisir. On chantait en 1970... Le Père Noël est une ordure ou Tintin ? Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu le sens comment là ? Le Père Noël est une ordure. Ça doit pas être papier, crayon, chronomètre, prêt pour une minute. Yes. C'est parti. Si je vous dis homme en retard, vous me dites liaison dans le tiroir, liaison dans le placard ou polichinelle dans le tiroir ? Polichinelle dans le tiroir. Le tiroir, oui. Mais je crois que c'est une bonne. C'était liaison dans le tiroir. Quelle est l'adresse de SOS Détresse Amitié ? Le 17 rue du Montparnasse, le 17 rue de Charenton ou le 17 rue de Montmartre ? Charenton ? Non, c'était Montmartre. Ouais, malheureusement. Ouais. Qui dit j'ai été faible et lâche, c'est un échec ? Madame Musquin, Thérèse ou Pierre ? Je dirais Thérèse, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, on va dire ça. Thérèse. Vous dites Thérèse, et malheureusement, c'était Pierre. C'est qui a pas de peau, malheureusement. Quelle est la particularité des gants que tricote Thérèse pour les petits lépreux de Jakarta ? Ils ont 6 doigts, 3 doigts, 2 doigts. 3. Ça te dit ou le temps passe. 3. 3. Vous dites 3 doigts, et c'est une bonne réponse. Attention. Pour quel cabaret Félix distribue-t-il des prospectus près des grands magasins ? Le Pigalos, l'Alcazar ou le Lido ? Pigalos. Oui, le Pigalos. Le Pigalos, c'est une bonne réponse. Qui pose à côté de Thérèse sur le tableau réalisé par Pierre ? Un chien, un porc ou Pierre ? Un porc. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah oui, bravo. J'avais eu un peu de rab, hein, je crois. 3 points. Je suis Maurice. Oui. Donc 3 points, score à battre. Hein. Bah oui, oui. 3 points ? Oui, enfin, ils ont marqué 3 points. Donc si vous marquez. C'est tout ? Bah oui. Vous avez répondu à plus de questions que ça ? Non, mais ils sont foirés. Les bonnes réponses, 3 seulement. Donc ce maintenant, jeu, la main. Ce jeu est truqué. La main passe à l'équipe Tony Musulin. Ah oui. Oui. Alors, vous avez alors je vous propose 3 questionnaires. Oui. Donc, on chantait en 70, c'était celui que j'avais proposé tout à l'heure aussi. Le questionnaire sur Tintin, ce sera le deuxième. Et le troisième, ça sera sur Stargate Atlantis. Alors, Stargate Atlantis, j'y connais rien. Tintin, j'y connais rien. On chantait en 70. Alors, on chantait en 70. Bon, c'est les questions sur les chanteurs ou les chansons oui, cool. des années 70. Je me doute que c'est pas sur les pizzas qu'on faisait en 70. Prêt pour une minute ? Je te jure. C'est allez. Parti. Qui chantait La Courte Échelle ? Enrico Macias, François De Guelt ou Georges Brassens ? La Courte Échelle. Enrico Macias, François De Guelt ou Georges Brassens ? Macias. Macias. C'est une bonne réponse. Ouais. Ah, ouais. Bravo. Les rues de Paris. Oui. Julien Clerc, Jean-Jacques Debout ou Joe Dassin ? Jean-Jacques Debout. Bonne réponse. Himalaya, c'est Jérôme, Pascal non. Danel. Pascal Danel. Mais non. C'est le Kilimandjaro, Pascal. Ah oui, merde. Alors, c'est Jérôme, Pascal Danel ou Michel Polnareff. Ils ont triché là. Oui. Ils ont triché. C'était pas ça. Bon, question suivante. On passe. Oui. Fais-moi un signe. Oui. Gérard Palapra. Goldman. Oui, Gérard Palapra. Gérard Palapra. Oui, Gérard Palapra. Oui. Gérard. Bonne réponse. Oui, allez, suivant. Par Jacques Higelin, Louis Chédid ou Yves Duteil. Qu'est-ce que t'as dit, Chédid? Par Chédid, Higelin ou Duteil. C'est pas Duteil. C'est Higelin. Higelin. Bonne réponse. Yes. Et nous, on a eu qu'une minute. Hein. Bob était en train de chronométrer. Cet enfoiré de Bob. Quel mauvais ils ont eu 3 minutes 15 et nous. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même. J'ai une bonne nouvelle, oui, quand même. Vous allez être contents. L'équipe de Tony Musila a 4 points, dont Marc le point. Le jeu est truqué. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, pour l'instant, je dois vous dire quand même que vous êtes mené, Bob. Oui. Car vous avez, d'après les comptes, vous avez 0 point au compteur. Mais on est fiers. Pas beaucoup, hein. 0. Quelques années, mais 0 point. Voilà. Nous allons donc pouvoir retrouver Xavier Mesguer avec un extrait de son spectacle. Ah. Aujourd'hui, quand un braqueur de banque se présente devant une caissière, la caissière ne comprend même pas qu'elle est en train de se faire braquer. Ah. Le braqueur arrive et lui fait « Attendez, madame, moi je voudrais procéder à un braquage sans être traité de braqueur. » Attention, hein, j'évoque uniquement les braqueurs de haut niveau. Hein, ah, oui, très oui. Très haut niveau. Oui, hein. Alors attendez, un homme de gauche entre dans une banque avec un revolver, c'est un justicier. Un homme de droite, c'est un voleur, c'est un peu facile. On n'est pas arrivé en 2009 pour entendre des choses comme ça. Vous allez me demander si je veux l'argent de la caisse. Bah attendez, d'un côté on peut pas dire on est une banque, et de l'autre, ne pas donner l'argent quand on vous le demande. Évidemment que c'est moi qui vous le demande. Si c'était pas moi qui le faisais... Qui le ferait? Vous allez me demander pourquoi je braque une banque populaire et pas une banque de riches. Ben, je vais vous répondre. Vous les pauvres, vous êtes tellement plus nombreux. Vous savez, monsieur, dame, j'ai le plus grand respect pour monsieur Robin Desbois. Il aura sa place. Mais on peut pas toujours voler l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Faut changer les idées. Vous savez, monsieur, dame, j'ai le plus grand respect pour monsieur Zorro. Il aura sa place. Mais il faut dire à monsieur Zorro que quand on a le courage de ses idées, on n'avance pas masqué. Faut dire à monsieur Zorro... Ça sert à rien de ridiculiser les forces de police. Je pense notamment au sergent Garcia. Qui fait très bien son travail. Merci. Et enfin, faut dire à M. Zorro qu'on n'entre pas avec son cheval dans la maison des gens. Avant, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Avant, c'était inexorable. Aujourd'hui, c'est exorable. Ah, ils sont forts, ces braqueurs. Hein. Ah oui, oh, bah, on voit ça. Ouais. Ah, alors, la suite, bien sûr, dans le spectacle, oui. Enfin mûr. Ah, je tiens à préciser une chose, c'est pas un spectacle d'imitation, mais il y a un peu de tout dedans. Voilà. C'est un spectacle bah, oui. Éclectique. Oui, parce que c'est pareil, Frédéric fait aussi quelques imitations. Oui. Alors, il nous a fait l'imitation de Maurice. Pour ton information, il imite aussi Bob du Club. Vrai que nature, c'est même pas drôle. Et il imite aussi Gégé. Alors, ça, alors bon, je vais vous raconter une histoire, tout ça, papa. Bon, alors, c'est une pute. On va revenir dans quelques instants. Oui, bravo, bravo Philippe. Retour, on va se marrer. Oui. Avec Anaïs Petit. Oui. Alors on parlait de Maurice justement à Anaïs juste avant la pause, ouais. Parce que Maurice a donc à son répertoire deux blagues ah internationales. Oui. Mais j'en ai une ce soir. Il y en a une qui est plus drôle, qui est plus marrante parce qu'il arrive à la faire. Voilà, oui. Oui. Donc on se concentre. Il nous a promis de la faire. Oui. Donc on se concentre sur la deuxième blague. Voilà. Non, ouais. Le citron quoi, et la vache. Non, il n'y a pas de citron. C'est alors donc il y a une fabuleuse blague qui s'appelle la vache et le clocher. Mais non. La vache, c'est le citron. Ah oui, et le clocher, c'est quoi déjà? Mais le clocher, c'est plus. Laisse tomber le clocher. Non, parce qu'on l'a retrouvé dans les archives. Ah, encore? Oui. Encore, hein. Une autre version. Une autre version de foirage de la blague par Maurice. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette blague, donc ça fait maintenant plus d'un an qu'on se la traîne. Presque deux ans. Oui, oui. Et Maurice la foire systématiquement. Et c'est une blague très compliquée. D'ailleurs, il va nous la faire en direct sans les notes. Oui. La vraie blague, hein. La vraie, oui, la vraie, oui. Oui. Évidemment. Celle que vous avez déjà enregistrée en archive. Voilà. Voilà. Alors, quelle est la différence entre un non, i... Ah, je suis désolé, mais... Ah, non, non, parce que d'habitude, tu dis... Non, là, je suis désolé, ça ne peut pas aller, parce que d'habitude, tu dis quelle différence qu'y a-t-il, qu'y a-t-il? Ah, oui. Quelle différence qu'y a-t-il entre un i et un clocher? Oh, ben, on ne sait pas. Faut que tu poses la question c'est à pas Anaïs. C'est assez Anaïs. Anaïs. Eh bien, je ne sais pas. Ah. Eh ben, le i, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, c'est la consonne. Oh, bravo. Oh, excellent.

cœur crazy for me. Excellent. On va remercier Bob du club. Ah, oui, bonsoir les filles. GG. Ah, ouais. Davy pour la réalisation. Ouais. Et l'immonde Philippe Bello. Ah. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la prochaine fois. Ouais. Ouais.